j'ai comme une envie de tout lâcher, même d'arrêter le rap. Mais y'a toujours cette petite voix qui vient me remonter le moral. J'avoue, j'ai tellement cravaché que je peux pas faire demi-tour. Les pages blanches au stylo j'ai arraché qui pèsent une demi-tonne. Donc sur ce morceau frérot on va parler sans filtre. L'argent ne rend pas heureux, mais dis-moi comment vivre sans fric. J'éteins pas la lumière, moi je suis devenu claustro, hein. Mes problèmes j'ai mes nerfs, je suis toujours pas costaud. Alors amigo, autant que je peux le faire, je vous confierai ma vie. Des journées et des nuits entières à parler de mes passages à vide. J'suis sûrement pas le best, j'veux pas être number one. Des fois j'souris, des fois j'suis bête, car j'parle un peu trop de WAP. J'ai un problème de bipolarité, donc j'suis jamais content. J'ai pas de limite, donc j'peux pas m'arrêter, même si tu payes comptant. 50% du temps, j'vis dans le passé, car j'suis trop nostalgique. 50% du temps, j'pense à brasser, car l'oseille c'est magique. Et la famille me dit que j'ai changé, que j'suis devenu un vaillant. On me dit que l'argent ça rend beau, donc j'vais mes billets en paillant. J'essaie d'éviter de faire du sale, mais c'est pas tous les jours facile. À deux doigts de retomber au star ou de faire un tour à l'asile. Regard figé, poteau, ma carapace et un gilet pare-balles, t'as rien compris. Si tu crois que dans la passe, tes drons c'est d'arbas. Solo dans mes tourments, y'a pas grand monde qui m'a tendu la perche. Ils seront nombreux quand tu seras bien, mais y'a personne quand c'est la dèche. Sans être dans mon malheur, j'ai combattu mes peurs. J'ai gardé mes valeurs, j'ai essuyé mes pleurs. Moi j'suis jamais à l'heure à part pour faire mon beurre. Sans filtre avec honneur, j'ai jamais joué l'acteur. Sans être dans mon malheur, j'ai combattu mes peurs. J'ai gardé mes valeurs, j'ai essuyé mes pleurs. Moi j'suis jamais à l'heure à part pour faire mon beurre. Avec honneur, j'ai jamais joué l'acteur. Sans être dans mon malheur, j'ai gardé mes valeurs. Moi, je suis jamais à l'heure. Sans filtre avec honneur. Assis dans le coin de la pièce, je suis comme un écrivain. Des chansons, des textes, des maquettes. Cette nuit, c'est sûr que j'en écrivain. Un verre de whisky juste pour m'enivrer, pour me porter loin. Moi, j'ai l'impression de régresser. Pourtant, on me dit que je marque des points. C'est le paradoxe de l'artiste, jamais satisfait de ce qu'il fait. Pourtant, même si mon art est triste, bah, je les vois tous en train de kiffer. Tout ça, c'est complexe. Je me sens libre en studio ou sur un compète. Moi, j'aime bien quand le ton baisse, car je suis vénère quand je suis pompette. J'ai plus beaucoup de comparses, car mon ami, c'est mon ennemi. Car mon poteau, quand tu brasses, tu comprends le sens dans l'eyes on me. Et tous les jours, c'est corsé, faut que je fasse gonfler les torsos. Car la bombe est amorcée, c'est peut-être mon dernier morceau. Regard figé, poteau, ma carapace, c'est un gilet pare-balles. T'as rien compris si tu crois que dans l'impasse, si t'es dron, c'est d'arbas. Solo dans mes tourments, y'a pas grand monde qui m'a tendu la perche. Ils seront nombreux quand tu seras bien, mais y'a personne quand c'est la dèche. Sans être dans mon malheur, j'ai combattu mes peurs. J'ai gardé mes valeurs, j'ai essuyé mes pleurs. Moi, j'suis jamais à l'heure à part pour faire mon beurre. Sans filtre avec honneur, j'ai jamais joué l'acteur. Sans être dans mon malheur, j'ai combattu mes peurs. J'ai gardé mes valeurs, j'ai essuyé mes pleurs. Moi j'suis jamais à l'heure à part pour faire mon beurre. Sans filtre avec honneur, j'ai jamais joué l'acteur. Sans être dans mon malheur, j'ai gardé mes valeurs. Moi j'suis jamais à l'heure. Sans filtre avec honneur.